Meillac, 1832-1897, et à Lévy, 1834-1908. À eux deux, ils auraient 156 ans. Meillac, 79, à Lévy, 77. Meillac est encore plus bedonnant et encore plus chauve. À Lévy, plus long et plus saule-pleureur. Meillac a toujours autant d'esprit qu'à Lévy, et à Lévy, autant d'esprit que Meillac. Depuis quelques années, ils n'écrivent plus ni l'un ni l'autre. Meillac se contente de la gloire d'à Lévy, et à Lévy de celle de Meillac. Meillac continue d'aborder le billard, à Lévy la lecture. Meillac va de temps en temps au théâtre, surtout dans les petits théâtres gais. À Lévy a renoncé même aux coulisses de l'opéra et aux petites cardinales. Meillac habite toujours son appartement de la place de la Madeleine, d'où il peut apercevoir la redingote de marbre de son ex-collègue, Jules Simon. À Lévy réside la plupart du temps dans sa maison de Sucy-en-Brie, d'où il contemple les gazons et les arbres. Meillac ne va à l'académie que quand ça lui chante. À Lévy s'y rend même quand ça ne lui chante pas. Jusqu'à la fin, Meillac reste le dessinateur d'antan, fantaisiste et un peu bohème. À Lévy, le bureaucrate exact et scrupuleux. Ce soir, Meillac et à Lévy dînent au restaurant Durand, en partie carré, avec messieurs Robert de Flair et Armand de Cavaillet, leur continuateur immédiat. Et l'on peut affirmer que, s'ils ne s'amusent pas infiniment eux-mêmes, les garçons qui les servent ne s'embêtent pas. Note de l'auteur. Ce petit jeu peut, on le voit, durer à l'infini. Je m'arrête, ne voulant pas abuser de la patience de mes lecteurs. Je me permets seulement, en finissant, de leur recommander cet innocent passe-temps comme éminemment économique, moral et inoffensif pour les vivants autant que pour les morts. Lu par Sabine, pour audiocité.net, sous la licence Art libre.